بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه عن حكم الكلام، كلام الشخص داخل الحمام في بيت الخلاء. أي est-ce que c'est permis de parler quand l'insan il est aux toilettes؟ قال رحمه الله إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. S'il y a un besoin, il n'y a pas de mal. Contrairement à ce que pensent بعض العوام، أنهم يحسون que c'est حرام. عند بعضهم أن parler aux toilettes c'est une jérime. C'est comme un crime. هذا c'est de l'exagération. Il n'y a aucun délil على هذا. فإذا دعت الحاجة، s'il y a un besoin، فتو as le droit de parler. قال وإن لم تدعو الحاجة فتركه أولى. Pourquoi؟ لأن العلماء يقولون أن c'est pas un endroit où on doit passer du temps à parler. Là, c'est pour faire ses besoins. Une fois que tu as fini, tu sors. Enfin, tu es occupé via dal hal. Donc, tu n'as pas besoin de parler, sauf si une haja. Sauf si une haja fait mimbab et awla. Ce que al-kafara, al-fajara, ils font. Annahum, pendant leurs besoins, ils lisent, ils regardent leur téléphone, ils l'akhiri. Ça, c'est pas mine adab al-muslimin, al-mu'minin. Al-mu'min, il fait ses besoins et il sort rapidement. C'est pas un endroit pour rester, pour parler, encore moins pour lire, yadam billah. Amma, si tu es aux toilettes et quelqu'un a besoin d'une chose, tu dois parler, tu dois dire à un de tes enfants, à un de tes proches une chose, pas la chacun, il n'y a aucun mal. قال فإذا دعت الحاجة أن ينبه أحدا أو يقول افعل كذا للحاجة فلا بأس. Amma, نعم, s'il doit avertir quelqu'un, il doit dire à un de ses proches, fais telle chose, n'oublie pas telle chose. Madalane, tu es au WC, un de tes enfants, il veut sortir. Et un tas, tu vas à l'intérieur. Et tu veux lui dire une chose, n'oublie pas telle chose, emmène telle chose. Puis après, Adal Hal, tu parles, il n'y a aucun mal. Donc, il n'y a aucun dalil qui montre que c'est interdit de parler aux toilettes. Lakin al-mu'min, comme a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il parle que s'il y a un besoin. La référence, Fatawa Nour al-Darb, les Cheikh, l'imam, Abdelaziz Ibn Baz, رحمة الله عليه ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.